En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre La musique expliquée aux aliens sur la Radio Parfaite avec, aujourd'hui, un module conçu et réalisé par Cécile Bouteau. Amis auditeurs d'ici et d'ailleurs, soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Pesanteur, la radio des curieux de toute la galaxie. Aujourd'hui, une émission spéciale diffusée dans les oreilles de nos voisins stellaires, que nous nommerons de façon un peu aléatoire les aliens, émission consacrée à l'explication de ce que nous appelons la musique. Je me munis dès lors de pincettes conceptuelles et métaphoriques pour essayer de conserver une clarté suffisante pour être comprise de nos amis extraterrestres. Partons ensemble d'un point commun à notre société et à la leur. La présence d'un langage relativement proche. Si, si, je vous assure. Mais je vous en dirai davantage plus tard. Partons d'ici donc, si vous le voulez bien. Ce que nous appelons la musique regroupe en réalité plusieurs formes, visages, etc. qui sont autant de styles, caractères et affects. Car c'est le point central. La musique transmet des affects, des émotions, tout comme le langage. Je vais tenter à travers cet exposé intergalactique, si je puis dire, d'expliquer la musique selon notre définition aux aliens. Vous me suivrez dans trois directions. La comparaison des deux langues, une tentative de définition de la musique au sens le plus large, et enfin, un regroupement des deux. De récentes études parues dans diverses revues scientifiques, linguistiques et musicologiques ont dévoilé au grand jour que la langue parlée par nos voisins aliens les plus proches est organisée selon des hauteurs, et plus particulièrement selon les 12 hauteurs de notre échelle musicale tempérée. Surprenant, n'est-ce pas? En fait, pas tant que ça. Car notre langue française possède elle aussi des intonations. Une démonstration? Avec plaisir. Prenons ce texte, fleuron du théâtre français, bien sûr. Capucine! Reviens! Je te jure que j'ai pas couché avec ta sœur! Bon, munissons-nous notre traducteur français alien et traduisons. Épatant, hein? Une autre. Les œufs sont cachés au fond du panier. Si tu veux les manger, il faut les trouver. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Alors, quelle définition pour la musique ? Partons du plus large. C'est un son humainement organisé. De plus, la musique que nous pratiquons le plus souvent est organisée en plusieurs paramètres. Il y a d'abord la durée, selon si le son est long ou court. L'intensité, à savoir si le son est fort ou faible. La hauteur, à savoir les notes que l'on utilise. Et le timbre, la texture sonore. Essayons cette fois-ci de multiplier les effets, ou plutôt de mixer votre langue, chers aliens, et notre musique. Mais la musique, c'est aussi le silence. C'était votre émission sur la musique et le langage, diffusée sur nos ondes terrestres et extraterrestres, sur Radio Pesanteur. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles curiosités.